بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفى بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في الفصل الذي يتحدث عن نواقض الإسلام dans le chapitre dans lequel il est énoncé les نواقض الإسلام فخذنا الناقض الأول والثاني والثالث. Donc pour revenir au ناقض الثالث, c'est celui qui ne rend pas mécrant celui qui est mécrant par unanimité. Celui-là, il sort de l'islam. Il y a le simple fait qu'il ne l'a pas jugé, même si jamais il ne prétend pas que sa mécréance elle est bonne, tu vois. Le simple fait qu'il ne rend pas mécréant, c'est comme s'il démentait des ayats dans lesquels Allah Azza wa Jal il juge de ces personnes-là qui sont mécréantes, ou bien qu'il a un chèque. À partir du moment que le bayan il est venu, la bouddha min yaqin. Surtout si jamais c'est des sujets dans lesquels les ulama sont tous unanimes, qui fait partie des choses dont personne n'ignore dans l'islam. Dans ce cas-là, il ne peut pas avoir un chèque. Il doit avoir l'yaqin. C'est obligé. Parce que khabar Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah Azza wa Jal il a révélé, on doit avoir la certitude. Parce que c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala, la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfi. Donc on ne peut qu'avoir la certitude du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas avoir le chèque. Aw sahaha madhhabahum, c'est-à-dire qu'il voit que la mécrance sur laquelle il est, c'est de l'islam et il prétend que c'est des choses qui sont bonnes. Fahaza kulluhu, ça fait partie des nawaqid de l'islam. Ça fait sortir de la personne de l'islam. Et comme on a pu voir, tout cela, inshallah, on va l'évoquer à la fin, inshallah. Tout cela revient à ils appellent ça mawani' al-kufr. Les choses qui ne te permettent pas de pouvoir descendre le jugement sur une personne. On va les évoquer, inshallah, à la fin. Il y en a quatre, inshallah. Et si jamais ces quatre-là, ils ne se trouvent pas sur une personne, après, iqamatul hujja, on est bien s'assurer. Et puis après, voilà, c'est le ulama qui juge. Mais on sait que cette personne-là, si jamais c'est le cas, il a la khatar. Il a la khatar. Donc le quatrième naqid. قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم التغاوت على حكمه فهو كافر بالله عز وجل. نعم كما قال رحمه الله من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي. Celui qui a la conviction que une autre guidée peut être mieux que celle du prophète صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est une chose que personne n'ignore. La plupart des khutab ou la plupart des muhadarat, la plupart des kalimat, le khatib il commence par ce genre de muqaddima, de préface. Ya'lamu anna khayr al-kalam kalam Allah. Wa khayr hadi hadi Muhammad. Wa khayr hadi hadi Muhammad. Et la meilleure des guidées. Wa khayr hadi hadi Muhammad. La meilleure des guidées. Khayr ohuna, c'est un ismu tafdil. Lakin c'est un ismu tafdil dans lequel il n'y a pas une comparaison dans la guidée. مثلا قول سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله عز وجل il évoque أهل الجنة auront les meilleurs des demeures. خير مستقر. Est-ce que ça veut dire que les gens de l'enfer ils ont une bonne demeure لكن la demeure des gens du جنة elle est meilleure? لا. Lorsque tu dis مثلا يعني عبد الله est plus grand que عبيد, c'est-à-dire que Ubayd il est grand, lakin Abdullah l'a dépassé dans la grandeur. Les deux sont grands, lakin lui il est beaucoup plus grand. Donc c'est comme si jamais ils étaient associés dans cette sifa-là, dans ce qualificatif. Mais un des deux est mieux qualifié que l'autre. Lakin hahuna, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa khayr hadi, d'association dans ce qualificatif-là, dans cette sifa-là. Ça veut dire khayr hadi, c'est qu'il n'y a pas d'autre guidé que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre guidée qui peut te ramener au Jannah que celle du prophète alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guidée qui est bonne, mais celle du prophète elle est meilleure. وخير الهدي هنا بمعنى يا با دوتر سي لا ميور اي انا با دوتر دونك لا بمعنى يا با دوتر غيدي celui qui كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وهذا هو الخسران المبين c'est la grande perte celui qui recherche un autre din et la guide du prophète sallam c'est le din hatta la guide. Donc celui qui recherche une autre guidée prétend qu'il a un autre dîn avec lequel il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah azza wa jalla yaqul wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, celui qui cherche une autre religion que l'islam, falan yuqbala min, jamais ça sera accepté, jamais Allah azza wa jalla il va l'accepter. Qala wa huwa fil akhirati min al-khasirin, et yawm al-qiyamah il fera partie des grands perdants. Et les ulama ils ont évoqué que ici la grande perte c'est la mécréance, c'est-à-dire que c'est l'enfer éternellement. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Comme la religion qui est acceptée auprès d'Allah azza wa jalla c'est l'islam. Wa l'islam ma'lum kama fi hadith Jibril fa qala al-islam. Qala ma huwa? Qala an tashhad an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Et shahadat huna anna Muhammad rasulullah, parmi ces conditions là kama qala al-ulama an la yu'bad Allah illa bima shara, qu'on ne doit pas adorer Allah Azza wa Jal que par les choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a légiféré. Donc celui qui prétend qu'il y a une autre guidée, si jamais seulement il aurait prétendu qu'il y a une autre guidée que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été suffisant. Là qu'il a yani yataqid que ça, la guidée qui est en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure, akmal, fahada c'est achad, hada c'est achad, c'est encore pire. فهذا من الكفر بالله عز وجل صريح. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et qui est plus meilleur en jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont une certitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion meilleure que celle de l'islam. Donc celui qui prétend qu'il y a une religion qui est meilleure que l'islam, religion qui va le rapprocher, il y en a d'Allah عز وجل en dehors de l'islam, فهو في الآخرة من الخاسرين. Ça c'est du kufr, et c'est comme si jamais il avait rejeté cette ayah. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et qui est meilleur en Allah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le jugement يعني. Personne يعني. فهذا c'est من الكفر بالله عز وجل. واضح جدا. هذا من الكفر بالله. Ça celui qui prétend cela, il n'a pas attesté que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le رسول الله. Il n'y en a qu'un رسول. Il n'y en a pas deux. Le verset dans Maïda, le verset 50. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. Est-ce le jugement de la jahiliya qui recherche et qui est meilleur en jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour un peuple qui a la certitude? Donc c'est du shirk, enfin c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que ça rejette de nombreux versets et de nombreux ayats, et ça laisse entendre qu'il y a un autre prophète que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, ça fait partie de nawaqid al-shahada anna Muhammad rasulullah. Qala aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmi. Où il prétend que le jugement d'un tel est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala kalladhi yufaddil hukma at-taghawit ala hukmi. Comme celui qui fait précéder et juge meilleur le jugement de taghawit. Taghawit c'est le batil. At-taghut ça vient de tagha. Ça vient du verbe tagha. Ta rain et alif maqsoura qui veut dire un est dépassé. Falamma tagha al-ma hamalnahu fil jariya kama qala subhanahu wa ta'ala. Yani par rapport à Nuh, lorsque l'eau a dépassé la surface de la terre, hamalnahu fil jariya, on l'a fait monter sur le bateau. Fa al-madda tagha c'est bimahna at-tajawuz, une chose qui a dépassé une autre. Naam. Fa wa taghawit huna qui est jam' at-taghut, at-taghawit أحسن من فسر الطاغوت الإمام ابن باز رحمه الله تعالى فقال الطاغوت هو اسم لكل باطل سانو كم جنرال كي انغلوب توت باطل دونك لو باطل اون بو لابلي الطاغوت يعني celui qui يعمل بالباطل يعني بالعناد ils sont tête dans le batil après le bayan après la nasiha ils sont tête dedans tu peux dire que cette personne là c'est un طاغوت celui qui est mubtadi' وتعانى دفي tu peux dire que c'est un batil, c'est un tarout. Al-mushrik tu peux dire que c'est un tarout. Al-munafiq tu peux dire que c'est un tarout. Lima parce que الآن تجاوز الحد, il a dépassé la limite qu'il devait respecter, tamam, et يتعامل بالباطل. Toute personne qui dépasse une limite, tu peux appeler ça annahu tari. Annahu tari wa annahu min at-taghawit. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la limite. La limite n'a pas dépassé pour le mubtadi', c'est la sunnah. Fait lorsqu'il l'a dépassé et il s'entête dedans, tu peux dire que c'est un taghout. Kadhalika al-'asi, sa limite à lui, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait si jamais il s'entête dans la désobéissance, kadhalika, tu peux dire lui, c'est un taghout. Kadhalika al-mushrik, sa limite c'est tawhid, ila akhiri. Al-munafiq, sa limite c'est l'iman, ila akhiri min al-ashya. Fa man tajawaza, tu dis qad tagha. Il a certes dépassé. Et tu peux dire de lui que c'est un taghout. Lakin kama qala Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الآن si jamais tu dis taghout à quelqu'un, il va tous penser que tu l'as fait sortir de l'islam, tu vois. Donc ça, yani ça apprend avec des pincettes, on n'utilise pas sur n'importe quelle personne. Si jamais c'est بين طلاب العلم وبين الناس يعني يفهمون, les gens qui comprennent ton discours, لا بس به. لكن si jamais tu ne peux pas te permettre de dire cela مثلا يعني عام qui ne connaît pas quelqu'un de la masse, il va tout de suite comprendre que t'as jugé de la mécréance de cette personne-là. C'est comme mulhid. Pareil, mulhid, pareil, c'est un sens dans la langue arabe dans lequel tu peux l'utiliser pour tout asé, pour toute personne qui a désobéi. Parce que le mulhid, c'est celui qui a inharafa, c'est celui qui a dévié. Celui qui a désobéi, il a dévié. Celui qui a fait du shirk, il a certes dévié. Celui qui a fait du nifaq, il a certes dévié. Celui qui a fait la bid'a, il a certes dévié. Tu peux dire de lui, c'est mulhid. Mais lorsque tu dis mulhid al-an, yani fi hada al-asr, à notre époque, il pense directement que c'est la personne qui est sortie de l'islam. Donc ces mots-là, il ne faut pas les employer n'importe comment et avec n'importe qui. Il ne faut pas les employer n'importe comment et pas avec n'importe qui. Lakin, ça c'est important de le comprendre parce que al-an al-khawarij, ils utilisent ce mot-là, ta'arut, excepté pour celui yani, qui est kafir billahi azzawajal. Donc ils vont prendre yani, toutes les ayats dans lesquelles Allah azzawajal a évoqué ta'arut, ils vont dire voilà, ce qui est évoqué ici c'est le kufr. Parce que le ta'arut, ça peut être employé que pour la personne qui est sortie de l'islam. C'est faux. Luratan wa sharhan. Sur le point de vue linguistique et le point de vue religieux, ce qu'ils ont pu prétendre, c'est faux. Parce que Tara, ça vient de dépasser, comme on a pu voir. Et c'est pas toute personne, même qui a dépassé une limite, qui est sortie de l'islam. Hada, c'est important de le comprendre. Lorsqu'il dit qu'Alladhi faddil hukm at-taghawit. At-taghawit, il a évoqué lui dans Marna Tarot, le Sheikh Al-Najdi, rahimahullah ta'ala. Il en a évoqué 5 en s'appuyant sur la parole de Ibn Qayyim, rahimahullah. Il dit le plus grand des Tarot, c'est Shaitan. Shaitan. Après celui qui agrée d'être adoré. Celui qui appelle à son adoration. Celui qui juge par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cinquième, j'ai oublié. Celui qui prétend l'avenir. Ceux qui prétendent l'avenir, Kuhan et tout ça là. Les voyants là. Et encore d'autres, ça c'est les rous, comme il a pu dire. Rous. C'est-à-dire que il y a d'autres choses. Ce qu'il a évoqué, c'est juste rous, les grosses têtes. Lakin, il y a encore d'autres têtes. Et parmi ces têtes-là, ceux qui ne sont pas dans. Qui ne sont pas sortis de l'islam. C'est pour ça que Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz, il a dit At-Tarut, c'est un nom qui est quoi? Qui est utilisé pour toute personne qui est sortie, comment ça s'appelle, qui fait du batil. Ismun jami'un li kulli batil. فالمهم ان شاء الله تبارك وتعالى ذكرنا يسد de me rappeler et je vais te ramener les masadir, les références des paroles de ulama sur le fait que le batil plutôt at-tahut c'est utilisé pourquoi pour le batil les kull les batil et pas forcément pour le kufr. Il y a beaucoup de ulama qui l'ont évoqué, Cheikh Al-Uthaymeen, Ibn Baz, Shinqiti, Al-Qurtubi. Inch'Allah, le livre, là je n'ai pas emporté de main. Tamam. Fahahuna, rahimahullah ta'ala, il a évoqué que celui qui prétend ou qui a la conviction que hukm fulan il est ahsan min hukm Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, fahada c'est du kufr. Wa hada bijma'. Hada yusamma at-tafdil fi al-ahkam. C'est pour ça que les ulama ils ont évoqué que c'était du kufr. Ils ont évoqué l'aïa par rapport à cela. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Allah Azza wa Jalla, il évoque dans cette aïa là que c'est lui le meilleur en jugement. C'est lui le meilleur en jugement. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prétend que le jugement d'un tel il est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes rejeté cette aïa là. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc ça c'est comment ça s'appelle, c'est du kufr billahi azza wa jalla. وهذا il y a pas de divergence dans cette masala là, c'est un kufr bittifaq كما ذكر ذلك ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الرابع le quatrième volume la page 416. Il a évoqué que celui qui prétend que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien celui d'Allah azza wa jal, ça c'est une personne qui est sortie de l'islam, c'est du kufr billahi azza wa jal bittifaq. Il n'y a pas de divergence entre le ulama que la personne est sortie de l'islam. Kazalika, celui qui prétend que son hukm il est égal à celui d'Allah azza wa jal, kazalika, ça rentre dans cette ayah là, parce qu'Allah azza wa jal il a dit ahsanu. Et le fait qu'il dit ahsanu, c'est dire qu'il n'a pas d'associé dans cela. Il n'y a personne qui lui est égal dans le jugement. Donc celui qui dit non, le hukm de Fulan, j'ai pas dit qu'il était meilleur que celui d'Allah Azza wa Jal, ça c'est encore pire. Lakin, il est aussi bien que celui d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musaawi lahu, comme il dit, Fahada kazalika, c'est du kufr, bilijma'a. Parce qu'il est en train de démentir cette ayah-là. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun. Personne n'est meilleur qu'Allah Azza wa Jal. Et il n'a pas d'ego dans cela. Donc le fait de dire qu'il a un égal, ça fait sortir l'islam par rapport à cette ayah-là. Et ça, kazalika, les ulama, ils sont tous muttafiqun alayhi, ils sont tous unanimes. Kazalika, on évoque un parmi les souwar, et ça c'est important, la basbihi. On va revenir sur la mas'ala, parce qu'en fait, il évoque un peu la mas'ala de ceux qui yahkum bi ghayri man zallah. Lakin, on va l'évoquer bi-ikhtisar, inshallah, tabarak wa ta'ala. Wa la'ala, inshallah, idha fataha Allah wa yassara, dans kitab tuhid, fina'ti bi tawassa fihi. Et j'ai deux muhadara dans lesquels j'ai un peu évoqué de manière, je me suis bien étalé sur le sujet dans deux muhadara. Je ne sais pas si elles sont encore sur le site. Al-Muhim, là ça va être Mimbab al-Ikhtisar. Parce que ce n'est pas le but. Mais on va évoquer, il y en a certains souwara. Kazalika, celui qui est yastahil. Celui qui est yastahil, al-Hukm. C'est-à-dire que yataqid halal maharram Allah. Il juge licite les choses qu'Allah Azzawajal a jugées d'illicites. C'est-à-dire qu'il a la conviction. On lui dit ça, c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. C'est une chose qui est muttafaqun alayhi. C'est une chose qui est connue dans le din et dont les ulama n'ont pas divergé. Et il dit non, il y a deux. Ou bien l'aqs. Tam yastahrim ma ahallahu Allah. C'est-à-dire qu'il rend illicite une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugée de licite et qui est connue dans le din bil-darura, qui est connue auprès de tout le monde et dont les ulama n'ont pas divergé. Enfin, ce genre de procédé-là, kazalika, ça fait sortir de l'islam. Wa hada bil-ijma'. Wa naqala ijma' ala dhalika al-imam. Ibn Baz rahimahullah ta'ala fi al-mujallad al-awwal la page 330 wa kadhalika shaykh al-islam rahimahullah ta'ala dans Sarim al-Maslul fi Shatim al-Rasul le volume numéro 3 la page 971 fa dhakara huwa qala rahimahullah qala al-insan mata halala al-haram al-mujma' alayhi وحرم الحلال المجمع عليه وبدل شرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. Et ça, كذلك il évoque dans مجموع الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 267 267 le volume numéro 3. Donc il dit Cheikh l'Islam رحمه الله que celui à partir du moment qu'une personne rend licite une chose qui est illicite بالإجماع ou bien qui rend illicite une chose qui est licite bil-ijma', ou bien qui modifie une chose de la religion qui est connue bil-ijma', il dit cette personne-là est un kafir et un apostat, et ça, bittifaq al-fuqaha. Selon l'avis unanime des jurisconsultes. Ça, c'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala. Kazalika min al-suwar al-juhud. Al-juhud, c'est le fait de nier une chose que tu approuves dans ton cœur. Comme l'a fait Pharaon. Il a nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit le sama. Il a nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui al-ilah al-haq. Il a nié kazalika que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rabb. Lakin avant de mourir, il a montré ce qu'il cachait. En vérité, il était mu'min de zalika. Il avait la certitude qu'Allah azza wa jalla était dans les cieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était l'ilah et qu'Allah azza wa jalla c'était le Rabb. Lakin il a fait cela par takabbur et afin de préserver sa dunya et de les faire peur afin que ce soit lui qui soit adoré et que tous les biens de dunya soient à lui. Fa avant de mourir, ماذا قال؟ فقال آمنت. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال سبحانه وتعالى الآن وقد حصيت من قبل وكنت من المسلمين نعم فإلى أتستي بالإيمان بلا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى c'est lui seul qui doit être adoré لكن ما ينفعه ذلك parce qu'il était sur le point de mourir هذا لا ينفع هذه التوبة لا تنفع هذه التوبة parce qu'il était sur le point de mourir. Fa'al-muhim, ça s'appelle du juhud. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Il a renié une chose qu'il a prouvée lui-même, yani bil lisan, il a renié une chose qu'il a prouvée dans son cœur. Kadhalika celui qui dit le jugement d'Allah azza wa jalla, ou bien dit Allah subhanahu wa ta'ala, on l'accepte pas. Lakin dans son cœur, il a la certitude 100% pour, yani à 100% que la religion d'Allah azza wa jalla c'est la meilleure des religions. Et que c'est celle qui doit être appliquée. Et il sait qu'il est mort. Et là, qu'il renie cela bil lisan. Hada kazalika kafirun. Hada, ça s'appelle quoi? Yani, al-hukm bighayri ma anzallah jahidan. Yajhad, yani, il renie bil lisan. Ma aqarrahu fi qalbihi. Il renie par la langue les choses qu'il a approuvées dans son cœur. Hada kazalika. Celui qui prétend cela bil lisan, il dit que on peut juger par une autre loi d'Allah azzawajal. Fahada. C'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala bil ijma' kadhalik n'am wa kadhalika at-takdhib hada ma'ruf yani celui qui dément une chose totalement il dit le dîn d'Allah azza wa jalla c'est du mensonge comme ils ont pu dire wa qalu asatir al-awwalin ils ont dit c'est des contes des anciens c'est des contes c'est des histoires c'est des récits que tu nous racontes on n'y croit pas bah ça c'est clair anad c'est tu te couvres billah azza wa jalla et kadhalika at-tabdil Al-tabdil, c'est le fait de modifier. Modifier un jugement. Comme ils ont fait les Yahoud. Les Yahoud, ils sont venus voir le prophète, alayhi salam. Deux personnes avaient fait zina. Ils ont prétendu que dans At-Tawra, celui qui fait zina, il le prenait, il le mettait sur un âne. Et il faisait le tour de ces personnes-là dans les marchés. Et pour les humilier, un tel, il les mettait à dos. Il leur mettait, il noircissait leur visage. Il disait un tel. Ils ont fait zina et ils les font marcher dans le souk afin de les humilier. Lakin, ils ne leur faisaient pas rajm, la lapidation. Ils ont prétendu que ça, c'était dans Torah et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a jugé dans Torah. Il n'y avait pas de lapidation, lakin, on devait les humilier de cette manière-là. Donc, ils ont voulu un peu un jugement comme celui-là dans l'islam. Faqala Nabi sallam, utuni bil Torah. Ramenez-moi la Torah. Il y avait avec lui Abdallah ibn Salam. Abdallah ibn Salam, c'était un grand érudit des Yahoud. Donc ils ont ramené la Torah, et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont lu la Torah, et ils ont mis leurs doigts, ils ont caché le verset dans lequel il y avait la lapidation. Que celui qui faisait zina et qui était marié, qui a été marié, il devait être lapidé. Donc ils ont caché ce verset-là, ils ont lu, une des personnes a lu, et a mis le doigt sur le verset, et a sauté le passage. Mais qu'il y avait Abdallah ibn Salam, et il était érudit, il avait appris la Torah par cœur. Et il lui a dit, enlève ton doigt de ce verset-là. Et ensuite, il a lu, et il y avait dedans que celui qui faisait zina, et qui était marié, ou qui a été marié, il devait être lapidé. Fa'ula baddalu. Ils ont modifié. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Fa'wailu lillazina yaktubuna al-kitab bi-aidihim. Thumma yakuluna hadha min indillah, wa ma huwa min indillah. Malheur à ceux qui modifient les choses, dans le kitab, ils disent que ça, c'est Allah Azzawajal qui a jugé. Ce jugement-là qu'il a modifié, il dit ça c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on appelle ça hukm al-tabdili. Donc celui qui apporte un jugement, mubtada', il y en a un jugement qui est innové, qui ne fait pas partie de l'islam, et il prétend que ce jugement innové fait partie de l'islam, fahada kadhalika yusamma tabdil. C'est-à-dire une chose qui est totalement inventée. Une chose qui est totalement inventée, dont les ulama sont tous unanimes et dont les clairs sont évidentes que cette chose-là ne fait pas partie de l'islam. Et il vient et il dit ça fait partie de l'islam. Il dit ça fait partie de l'islam et Allah Azza wa Jal a jugé de ceci et cela. Il ment. Yani. Hada, c'est un tabdil, une modification. Et ça, c'est du kufr. Bijmar, comme on a pu le voir dans la parole de Cheikh al-Islam, Rahimahullah Ta'ala, dans le Fatawa, le volume 3, 267. Et ce qui ne fait pas partie du kufr, et c'est là où on fait l'erreur, yani les khawarij, de juger de la mécréance de ceux qui ont la forte conviction que ce qu'ils font comme péché Et ce qu'ils imposent comme règles et comme lois ne font pas partie de l'islam. Et ils savent que ce qu'ils font et les lois par lesquelles ils jugent, c'est un péché. Et ils sont intimes. Et ils savent que ce qu'ils font est faux. Lakin, avec des pressions ou bien bil hawa, ils suivent ses passions et ils jugent par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement de ces personnes-là? Ça, c'est à la hasad. On doit regarder awwalan, c'est quoi la. Cette règle-là, c'est quoi le jugement par lequel il a jugé? Si jamais ce jugement par lequel il a jugé implique une mécréance, une sortie de l'islam, on va dire, même si jamais tu prétends que tu sais que c'est un péché et que c'est pas bien de le faire, lakin tu l'as fait, on va regarder ce péché-là, on va dire ce péché-là, lakin akhi, fi mizan ash-shar, dans la balance de l'islam, ça fait sortir l'islam. Mais c'est même celui qui, je sais pas, on va dire un truc qui est grotesque, il y en a qui prétend qu'on peut invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il impose et un jugement comme cela. Et il dit non, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est un péché, mais il le fait quand même. Bah ça fait sortir l'islam. Lakin, si jamais ce péché-là ne fait pas sortir de l'islam, comme celui qui, par exemple, Bartlo fait, il impose, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, ils imposent maintenant les assurances. L'assurance, ça fait partie de comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, aklamu al-nas bil batil, de manger l'argent des gens bil batil. Ça, il y en a marouf, il y en a fait kalam al-ulama que l'assurance, alahu la yajuz. Lakin, si jamais tu es dans un pays ou dans lequel tu peux pas faire autrement, si jamais tu n'as pas d'assurance, bah, tu auras des problèmes et tout, ou ils vont prendre ta voiture, ou bien ils peuvent te mettre en prison, ceci et cela. Dans ce cas-là, yani, le péché est sur eux. Le péché est sur eux, et toi, tu as noué sadaqa. Le péché est sur eux. Lakin, si jamais l'impôt cela, maintenant l'assurance, que toute personne doit rouler avec une assurance, est-ce qu'on dit, il a jugé par une loi qui est autre que celle d'Allah Azzawajal? Allah Azzawajal n'a pas imposé ces choses-là. Lakin, lui, il impose. Est-ce qu'il sort de l'islam, là? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qui fait sortir de l'islam. À partir du moment qu'il a la conviction que cette chose-là, tamam, ne fait pas partie de l'islam. Et que cette chose-là, l'assurance, maintenant, comme exemple, et que cette chose-là, yani, c'est un péché. Lakin, il voit qu'à notre époque, on n'a pas le choix. On est dépassé par les événements, on n'a pas le choix. Ça, yani, indahu hawa. Il suit la passion, comme la personne qui fait zina, ou la personne qui vole, ou la personne qui ment. La personne qui ment, il n'a pas jugé par la loi d'Allah Azzawajal, sur lui-même. La personne qui vole un autre, il n'a pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait zina, kadhalika, il n'a pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais il le fait à bihawa, est-ce qu'on va dire que c'est un kafir là? Kadhalika, celui qui va juger par une loi comme l'assurance, mathalam, il sait que c'est une chose qui ne fait pas partie de l'islam, lakin, qu'on est obligé un peu dans cette époque-là, comme ils le prétendent. Kadhalika, on va lui dire, ton jugement, c'est comme le jugement de celui qui fait zina bilhawa, ou bien qui yassadak bilhawa, ou bien celui qui ment bilhawa. À partir du moment qu'ils font ça, qu'ils ne font pas ça, yani bistihlal, yani qui voit que c'est licite de voler, ou bien licite de mentir, ou bien licite de faire zina, à partir du moment qu'il ne voit pas que c'est licite, ben là, ça ne fait pas sortir de l'islam. Lakin, c'est une kabira min al-kaba'ir. C'est un péché, un grand péché parmi les grands péchés. Comme il a dit l'imam ibn Hazm, rahimahullah. Et de celui qui prétend que, dans l'ayah, subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalla, fa ulaika humul kafirun. Il dit donc, dans ce cas-là, on doit rendre mécréant toute personne qui fait péché, qui fait un péché. Pourquoi? Parce qu'il a dit, toute personne qui fait un péché n'a pas jugé par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un kafir, et à nier à vous entendre. C'est pour ça qu'il faut regarder dans le jugement. Par rapport à la niya, et ça on ne peut pas la connaître, la niya, excepté si jamais la personne ne nous fait pas rien de ce qu'elle a dans son cœur. On le questionne. Pourquoi tu juges de cette loi-là alors que elle ne fait pas partie du kitab? Et il vient nous dire, oui, je sais, mais bon, on est dans une époque que, voilà, on n'a pas trop le choix. Donc là, on sait que son intention, yani, c'est pas de rendre lucide et de dire que c'est une chose qui est licite dans l'islam. Lui-même, il reconnaît que c'est une erreur. Lakin, qu'on n'a pas trop le choix comme il prétend. Et on regarde aussi Kazalika par rapport à ce jugement-là. Est-ce qu'il fait sortir de l'islam? S'il fait sortir de l'islam par lui-même, bizatihi, on n'a pas besoin de lui demander son intention comme la personne matane, comme on a dit, comme grossièrement, qui impose d'invoquer une personne qui est dans le qabr après chaque salat, et il dit oui, je sais que le shirk c'est pas bien, mais bon, on est dans une époque là, il n'y a pas besoin de lui demander son avis. Le simple fait qu'il impose le shirk, eh bien, c'est du shirk billahi azza wa jalla. Lakin celui qui impose une marsiya et qui sait qu'il est dans l'erreur, on ne peut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Comme le prétendent haoula al-khawarij. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lakin il y a des choses qui ne font pas sortir l'islam. Et celui qui prétend que ça, ça fait sortir l'islam, il faut qu'il ramène un dalil. بل يعني أجمع العلماء كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى que toute personne qui est injuste envers elle-même ou bien envers les autres, et à partir du moment que ce péché-là ne fait pas sortir de l'islam, il dit il est compté comme une kabira ou bien comme un zalim. C'est du zulm et c'est pas une mécréance. C'est du zulm et c'est pas une mécréance. قال بالإجماع. Donc il faut un dalil. On leur dit الآن tu as rendu mécréant un tel gouverneur. Pourquoi? Oh, parce qu'il a imposé aux gens de l'assurance. Et Allah Azza wa Jalla dit inna al-hukma illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et lui, il a jugé par une autre loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a fait du shirk fil hukm. On lui dit mais est-ce que juger, comment ça s'appelle, imposer l'assurance, c'est une mécréance? Il va nous dire non, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de dalil. Il est obligé de ramener un dalil. Et il n'y a pas de dalil par rapport à cela. Ensuite, on va lui dire mais est-ce que cette personne-là a prétendu que c'était licite d'imposer l'assurance? Il va dire non, mais juste il a dit voilà, on est dans une époque où on n'a pas trop le choix, je sais que ça ne fait pas partie de l'islam, mais bon, maintenant on est un peu obligé de faire ce genre de choses là. Je sais que voilà, ça ne fait pas partie de l'islam, mais voilà. Bon, on va lui dire celui-là c'est un valim. Il est injuste envers lui-même. Il a fait une injustice envers les autres. Lakin, est-ce qu'il est sorti de l'islam? Là, la bouddha min dalil. Kama qulna, celui qui rentre dans l'islam, il rentre dans l'islam bi yaqin. On a une certitude qu'il rentre dans l'islam parce qu'il a testé, on a vu les salat et l'akhiri. Et on ne peut le sortir de l'islam que par dalil. On ne peut le faire sortir de l'islam que par dalil wadihun jiddan. Fahada yani c'est muhim jiddan. Kazalika, certains des ulama ils ont glissé dans cette mas'ala-là, comme Cheikh Salah al-Sheikh, dans le Kitab Tawhid, dans son charh qui s'appelle Tamhid. Il y a un fasl yani, dans lequel Cheikh l'islam al-Najdi parle de hukm bi ghayri man zallah. Et il dit, dans l'explication, Cheikh Salah al-Sheikh, wafaqahullah, que celui qui juge par une loi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc là il parle de celles qui, des lois, qui, lorsqu'elles sont imposées, ne font pas sortir de l'islam. Celui qui impose le riba, tu vois, il sait que le riba, il n'y a pas, c'est une erreur et tout ça, mais il se dit, bon, on est dans une époque que les gens sont obligés d'emprunter pour bien vivre. Et il n'y a personne qui leur prête de l'argent, donc ils reviennent aux banques. Al-Muhim. Il parle de quoi? Des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Il dit si jamais le hakim, le gouverneur, il juge par une loi autre que celle d'Allah et Azza wa Jal, tout en ayant la conviction qu'il n'a pas le droit de faire ça, que c'est une erreur, ceci et cela, si jamais il le fait une ou deux fois, voire trois fois, il dit c'est une kabira et ça ne fait pas sortir de l'islam. Tu vois? Et il dit mais à partir du moment où ça devient, comment ça s'appelle, yani, da'im, tout le temps, Mustamir, Daiman, La Yantahi, tout le temps il juge, tout le temps il impose cela, il dit à partir de ce moment-là, c'est quoi? C'est un kafir. Donc là, on est en train de dire que lorsqu'une personne désobéit Allah subhanahu wa ta'ala un peu, n'est pas un kafir, lakin si il désobéit énormément, c'est un kafir. Hadha li sabi sahih. On dit c'est un gros désobéissant, un grand désobéissant, lakin si jamais il multiplie les désobéissances, ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme celui qui fait une sahira, ou bien une kabira, celui qui fait zina kathiran, depuis le yom il est balir jusqu'à le jour où l'enterre, et il a fait que de faire zina. Est-ce qu'on va dire sortir de l'islam parce qu'il n'a pas arrêté de faire zina? Là, les sabis sahih, ça c'est un col qui n'est pas sahih, et c'est un col dans lequel il n'y a pas de dalil. Où est le dalil qui dit à partir de une ou deux fois il ne sort pas de l'islam, et au-dessus de cela il sort de l'islam? Donc tout cela c'est des paroles qui demandait à dire là, même si jamais c'est des grands ulama, lakin un halim il n'est pas masoum, il n'est pas exempt de ne pas se tromper, il peut se tromper, walhamdulillah leurs erreurs sont peu et leur khair les kassir, lakin c'est pas parce que c'est un grand halim qu'on doit le suivre dans les erreurs. Lorsque c'est une erreur, on dit c'est une erreur, ijtahada wa akhta, il a fait un effort d'interprétation, lakin il a eu tort, donc il n'aura qu'une récompense, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ajtahada wa akhta falahu ajr. Wa za ajtahada wa asab falahu ajran. Il a deux récompenses. Ça c'est un khulasa, par rapport à cette mas'ala qui est muhimun jiddan. Et ça c'est vraiment un khulasa wa illa. On peut rentrer avec les shubahat parce qu'ils sont venus avec des ayats ils sont venus avec des hadiths et l'akhirihi. Lakin kullaha, c'est comme, c'est des shubuhat. Tu les vois, lorsque tu entends, yani tu peux penser qu'ils ont raison, ensuite lorsque le hanim il te montre la lumière, et il dévoile la faiblesse de cet argument-là, tu dis subhanallah, yani tata'ajjab, yani comment ils ont pu tromper les gens avec ce genre de hadith-là. Fa, inshallah, tabaraka wa ta'ala, hadha, c'est un mukhtasar. Moufid donc jiddan par rapport à cette grande mas'ala dans laquelle il y a eu des grosses erreurs et qui est barklofik qui est khatira, parce que juger de la mécréance d'une personne ça implique énormément de choses. Naham. On va se contenter de ça inshallah.